Il a écrit un article dans le Journal de Montréal. Ça a été repris un petit peu dans les autres médias de Québécois. Roger Bullotte croit que les expos pourraient être de retour en 2025. Et question un peu de s'expliquer si c'est un feeling ou si c'est des informations qu'ils ont. On lui passe. Salut, Roger! Bonjour, Danny. Non, c'est pas des informations. OK. C'est des éditions que je fais selon les négociations. Tu sais, je me dis, on a, ça prend 3 ans pour construire un stade. Ouais. Si ça prend 3 ans pour construire un stade, au moins une année de négociations pour avoir le terrain et faire tous tes plans. Donc, si tu pars de là, je pense que début de 25, on pourrait être fini. Peut-être on pourrait entrevoir jouer un peu de match en 25 à Montréal. OK. Donc, tu ça, penses moi que... qui déduis ça. Parce que c'est quoi? C'est en 27 que le bail avec 27. que Topinafi ferme. 27. Sauf que d'après toi, ça va se rendre avant, c'est ça? Mais je pense que ça va se rendre avant parce que, tu sais, entre ça, tu vas commencer ton plan. Et tu vas voir des assistances que tu vas avoir à Tampa vont avoir beaucoup d'influence aussi. Si tu n'as pas de monde à Tampa, déjà, ils n'en ont pas. Tout est accéléré en conséquence. OK. Comment tu trouves l'aide gouvernementale? Moi, c'est sûr que je suis très partagé dans un sens quand je vois. Mais d'aller, ça dépend de la. Ouais. Il faut se comprendre. Le gouvernement ne peut pas donner de l'argent juste pour donner de l'argent. Non. Impossible. Non. Ça, là, faut être logique, là. On ne peut pas s'attendre au gouvernement qui vous fait un montant d'argent et fait ce que vous voulez avec. Ça prend un retour pour l'argent que tu vas mettre. C'est vraiment ça, dans la vie, que c'est pas ce qu'on faisait auparavant. Voici l'argent, fais ce que tu veux avec. Tu vas juste une fondation. Si tu demandes une fondation, tu vas à une entreprise pour de l'aide, l'entreprise va dire, attends, mais tu vas faire quoi avec mon argent? Ouais. C'est pas juste non plus. Un plan? Il peut y avoir des programmes aussi qui rentrent, des programmes du gouvernement c'est pour qui, ça. Qui rentrent aussi fait, dans le. Fait que là, tu as des programmes qui rentrent et surtout, c'est que tu vas pour voir le gouvernement donner de l'argent qu'il aurait pu utiliser ailleurs. Tu veux pas avoir ça. Fait que l'argent que tu cherches, c'est d'un nouvel argent. Oui. C'est l'argent qui n'existe pas. L'argent de construction d'un stade. L'argent des employés vont travailler dans le stade. L'argent des ventes des concessions. Et tu fais tout ça au complet. Le salaire de tout le monde. Alors, quand tu regardes tout ça, là, ça veut dire que tu dis, OK, point de vue d'économie, ça veut dire quoi? Alors, les gens qui vont rencontrer le gouvernement doivent arriver avec un plan bien précis. Voici ce que c'est qu'on pense générer. C'est sûr, j'entends que le gouvernement n'acceptera pas tous les points que les gens vont... présenté, il va y avoir des négociations. Et c'est de là que ça part. Et la chose la plus importante, les propriétaires doivent s'assurer que le montant d'argent que le gouvernement va investir, cet argent-là va être remis par l'équipe en place. Mais Roger, moi ce que je voulais te dire, je suis un petit peu d'accord avec Réjean Tremblay, là, c'est sa vision des faits. Tout est subventionné au Québec. Donc, à partir du moment que tout est subventionné, pourquoi pas le baseball? Subventionner, je regarde toujours comment tu dis subventionner. Je pense que si on regarde autour, les entreprises sont subventionnées avec un droit de retour. Ouais. C'est-à-dire, si tu donnes un retour d'argent, je vais t'aider, sans aucun doute. Mais sinon, je ne peux pas juste te donner de l'argent. C'est une entreprise d'affaires. Et si tu regardes les entreprises d'affaires, qu'elles soient de l'argent du gouvernement d'année, en même temps, il y a un plan d'affaires que le gouvernement va te rembourser. Dans tant d'années. Combien d'années, je ne peux pas te répondre. Ouais. C'est pour ça que je te dis ça. Ça, c'est des mains du gouvernement. Mais Roger, tu étais d'accord avec moi. Là, l'impôt des joueurs, c'est sûr que là, j'ai toujours trouvé que c'était le principe le plus intelligent. Si Lucien Bouchard, à l'époque, là, parce que c'est Lucien Bouchard, c'était... Non, excuse-moi. Ouais. Lucien Bouchard, à l'époque, était d'accord d'aider les expos, mais il voulait la garantie la plus importante qu'on ne lui a pas donnée. Si on déménageait, il fallait rembourser le prêt. OK. Ça, on ne l'a jamais signé. Mais Claude Brochu voulait l'impôt des joueurs, c'est ça qu'il voulait quelque part? Oui, mais. Oui. Oui, tu vas donner l'impôt, mais si tu déménages, tu n'en as plus d'impôt. Oui. Oui. Tandis que là, il y a une clause que si tu t'en vas, il faut que tu payes. Oui. Alors, vraiment, il est garanti de monter l'argent qui est investi, qui va être payé. C'est ça qui est important. Oui. Donc, toi, tu es pas mal sûr que ça. Donc, cet été, tu penses qu'on va avoir des grosses nouvelles cet été? Je sais que Jérôme Filosofe a mentionné que d'ici le début de la saison, on va avoir une grosse annonce. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir des matchs, des races à Montréal, non. Des séries, non? Non. Non. Non. Non. OK. La seule chose que tu dois anticiper, d'ici pendant la saison, pas nécessairement. D'ici début de la saison, c'est. Faites le calcul, là, c'est une semaine. Ouais. Pas arrêté, là. C'est une semaine. OK, fait que la façon, c'est. Tu fais une rencontre et en temps et lieu, tu fais la présentation de la maquette, oui. Dépendant comment les négociations vont, tu feras la maquette. Il semble dire qu'elle est faite, la maquette. Hein? Mais les plans sont faits. Ouais. C'est sûr et certain. Les plans de chinette sont exactement faits, sans aucun doute. Ouais. Ils sont faits. Ils vont sortir avec une maquette. Faut que tu montres ce que tu vas faire. Faut pas exagérer, là. Oui, c'est sûr. Et un stade, un plan, c'est que tu veux le voir. Tu une batterie électrique, là, tu peux pas la voir. Je veux pas être méchant, mais tu vas voir une batterie, ok, c'est correct. Une voiture électrique, tu vas voir la voiture. Et c'est pour ça que je te mentionne, tu vois les plans du stade, mais la première chose qui va être dévoilée comme nouvelle, ça va être sans aucun doute la maquette. OK. Puis après ça, l'achat du terrain? Non, pas encore. Non, OK. Pas encore. OK. Faut que tu règles ton cas avec le gouvernement. OK. Tu sais, tu as des choses à régler, là. Tu n'as pas encore négocié avec le gouvernement fédéral. Puis ça va être assez facile parce que Stephen Bronfman est le niveau financier. Non. C'est plus de même. C'est plus de même. Auparavant, là, les années 60-70, ça fonctionnait, mais plus maintenant. Ouais. Maintenant, c'est des projets que tu rentres là puis tu négocies avec. Ouais. Et là encore, il faut que tu trouves une facette de pouvoir négocier ce terrain-là. De quelle façon, je peux pas te le dire, mais il faut que tu le fasses. T'sais, que tu as le terrain, formidable, mais tu ne peux pas construire un stade, tu fais quoi avec le terrain? Oui, c'est sûr. On va suivre... En partenariat avec quelqu'un qui veut construire des maisons, des HLM, tout ça. Fait que ça, ce partenariat à l'extérieur est là déjà. Là, il faut juste rajouter le stade. OK. Roger, on va suivre ce dossier de près. Ça commence dans une semaine, le baseball. Les Blue Jays qui ont perdu deux mauvaises nouvelles. Kirby Yates, le releveur, c'est l'opération Tommy John. C'est une grosse... Ça fait mal. Oui, hein? Yates. Mais moi, Yates, là, c'est pas une grosse perte, parce que je pensais pas que t'étais pour le lancer. OK. Quand les gens, ils ont parlé de baseball, ils disaient Yates. Moi, Yates, c'est bien, il n'y a pas lancé. Il a lancé une tasse de café, il était blessé. Pourquoi qu'il reviendra en forme? Ouais, c'est sûr. Comprends? Ouais. C'est ma logique. C'est quand même un releveur qui... Alors, les Jays vont avoir besoin d'un releveur. Ah. T'as deux releveurs, Romano puis Dorlis, qui ont pas fait encore les preuves. C'est un gros point d'interrogation. C'est là le gros point d'interrogation maintenant. Ah ben, mais la saison... Moi, je pense qu'on va échanger un des voltigeurs. Ouais, Grichuk. Rendon Grichuk, peut-être. Peut-être Gurriel? Ouais. Mais... Peut-être. Ouais. Hernandez, peut-être. Oui, peut-être l'un des trois qui est capable d'avoir le plus de valeur, peut-être, aussi. Ben c'est trois-là qui font quelque chose en retour. Ouais. Ça dépend ce que l'autre équipe a, mais présentement, on le trouve. Oui, il y a un voltigeur. Et c'est tous des... Puis ils ont tous une chose en commun, ils sont tous des voitiers. Oui, il n'y a pas de gaucher, c'est ça. C'est une certaine faiblesse aussi des côtés des bougies. C'est pas l'attaque. Mais c'est une grosse faiblesse. Ouais. Non, mais je veux dire, au champ extérieur, ouais, tes quatre voltigeurs sont droitiers. Tandis que si tu fais un échange, OK, puis tu vas chercher un lanceur pour ces voltigeurs-là, puis Zio peut donner ton quatrième voltigeur, oui, qui va alterner au troisième but avec Guerrero. Parce que là, tu as l'alternance avec Guerrero, Thérèse et puis Biggio. C'est ça la beauté de Biggio, c'est qu'il est capable de jouer au champ aussi. C'est ça, il est polyvalent. Oui. Il est polyvalent. Effectivement. Roger, on se reparle là, durant la saison. N'importe quand, mon dernier. Notre ami Roger Brulotte qui nous parlait du dossier du retour des Expos.